Chapitre 11. Le général, Madame Diane et Grain-de-Sel avaient, tout en causant à voix basse et ne se défiant point du trou pratiqué dans le mur de la bibliothèque, livré à Ambroise et au vicomte de la Morlière le secret de la retraite du comte Hector de Mainhardi. Grain-de-Sel descendit à la cuisine. Sa vieille mère était au coin du feu. Les domestiques entouraient la table ronde placée au milieu de la salle basse. « Hé, Grain-de-Sel, dit le valet de chambre Ambroise, tu as l'air bien triste aujourd'hui. « Pourquoi donc serais-je triste ? Demanda le petit Vendéen. « Dame, fit Ambroise, tu en as l'air, toujours. « Je suis ainsi, répliqua Grain-de-Sel, chaque fois que j'ai faim. Et il se mit à table à sa place habituelle. « Mère, dit-il, se tournant vers la nourrice de Madame Diane, tu ne soupes pas. « J'ai soupé, mon gars. « Déjà ? Oui, et je t'engage à en faire autant et à t'aller coucher. « Faut que tu te lèves matin demain. « Pourquoi donc cela, mère ? « Parce que tu t'en iras à Poitiers porter une lettre de notre maître. « Ah, dit Grain-de-Sel d'un air étonné, faut que j'aille à Poitiers. « Oui, mon gars. « C'est bon, on ira. « Grain-de-Sel s'arma de son couteau et attaqua une tranche de lard bouilli. Mais il était à peine à la moitié de son repas lorsqu'un personnage, sur l'arrivée duquel personne, bien certainement, ne comptait, se montra sur le seuil de la porte. C'était le général, le marquis, le maître, comme on l'appelait indistinctement à belle ombre. À sa vue, les domestiques se levèrent avec respect et chacun d'eux se découvrit. « Mes enfants, dit le général, il fait un temps de chien, et cependant il faut que l'un de vous monte à cheval. « Ce sera moi, si monsieur le marquis le permet, dit Grain-de-Sel. « Toi, petit, j'aime la pluie et le vent, moi. » Le général se prit à sourire. « Où faut-il aller ? Continua l'enfant. « À Bellefontaine. « Chez le curé ? Oui, dit le général. Il avait une lettre à la main et la donna à Grain-de-Sel. Grain-de-Sel échangea avec le général un regard mystérieux, prit la lettre, la mit dans sa poche et se leva. Selle mon cheval Rouen, dit le général. Tu iras à Bellefontaine en 20 minutes. Si la pluie continue à tomber quand tu arriveras, le curé te fera coucher. Je ne dois donc pas rapporter la réponse à monsieur ? Demanda Grain-de-Sel. Non, d'après ma lettre, le curé saura ce qu'il doit faire. Le général quitta la cuisine et remonta au salon. Grain-de-Sel murmura. Il fait pourtant bon au coin du feu. Qu'en dis-tu, mère ? Je dis que tu aurais bien pu laisser aller quelqu'un d'autre, répondit la nourrice de Diane d'un ton bourru. Non pas, dit Grain-de-Sel. Et pourquoi cela ? Demanda Ambroise d'un air niais. Parce que le général m'a baptisé du nom de Grain-de-Sel l'intrépide. Et que tu veux mériter ce nom ? Tout juste, le Parisien. C'est ainsi qu'à belle ombre on appelait Ambroise le seul domestique du château qui ne fut pas un enfant du pays. « Il a de l'amour-propre, Grain-de-Sel, dit Ambroise, qui se leva à son tour et dit « Bonsoir tout le monde, je vais me coucher. » Ambroise et Grain-de-Sel sortirent en même temps de la cuisine. Le premier fit mine de monter bruyamment l'escalier de service qui conduisait aux étages supérieurs, tandis que le petit Vendéen descendait aux écuries. Mais arrivé au premier étage, il traversa la salle à manger où il n'y avait plus personne et gagna la terrasse du château. De la terrasse, Ambroise descendit à l'orangerie et malgré l'obscurité de la nuit, il trouva son chemin au travers des caisses d'arbustes. Derrière l'une de ces caisses se trouvait le piège à loup qu'il tendait vainement chaque matin. Auprès du piège à loup, Ambroise avait placé un fusil qu'il mit en bandoulière et un gros bâton noueux qu'il prit avec lui. Puis muni de ces trois objets, il sortit de l'orangerie. La silhouette noire d'un homme se dessina alors sous la nuit sombre. « Ambroise, dit une voix, monsieur le vicomte. « Bien, c'est toi ?»« Oui, monsieur. Es-tu prêt ?» Grain-de-Sel part à l'instant, mais j'aurai le temps de le devancer. « Tu crois ?»« J'en suis sûr. »« Bien, bah. Monsieur le vicomte n'oubliera pas la lumière. »« Certainement non. » Ambroise s'avança en courant sous les arbres du parc et disparut. Pendant ce temps, Grain-de-Sel entrait dans les écuries, sellait Roland, le cheval rouant du général, et s'élançait dessus. Au moment où il sortait de la cour, il se retourna et leva les yeux vers le château. « Oh, chère maîtresse !» murmura l'enfant avec l'enthousiasme du dévouement sans limite. Grain-de-Sel mit son cheval au galop et s'élança sur la route de Bellefontaine. Mais quand il fut hors de vue et que les tourelles de Belle-Ombre eussent disparu derrière les arbres, il tourna brusquement à gauche et se jeta dans un chemin creux. Ce chemin creux conduisait tout droit au grand bois, derrière lesquels s'élevaient les vieux murs du château de Mainhardi. Le petit Vendéen s'enfonça dans le fourré, gagna une clairière, mit pied à terre et attacha son cheval à un chêne. La nuit était sombre, le vent était apaisé, mais la pluie continuait à tomber au travers des branches dépouillées. Grincel avait dans la poche de sa veste rouge la lettre de Diane à Hector. Toujours prudent, toujours circonspect, l'enfant regarda autour de lui, se coucha et colla son oreille contre terre. Aucun bruit, proche ou lointain, ne se faisait entendre. « Allons, » murmura-t-il avec un sourire, « ce n'est pas aujourd'hui encore que je serai suivi et que les Bleus découvriront la retraite de M. Hector. » Il arma son fusil, le plaça sur son épaule et continua sa route à pied, se glissant à travers les broussailles avec la souplesse et la légèreté d'un chat. « Qui va là ?» dit tout à coup une voix derrière lui. Grincel tressaillit, se retourna et porta sur le champ la crosse de son fusil à son épaule droite. Mais en cet endroit, le bois était si fourré et la nuit si obscure que Grincel ne vit rien. « Qui va là ? » demanda-t-il à son tour. Nul ne répondit. Alors Grincel voulut rebrousser chemin, tant il avait peur que ce ne fût un bleu qui le suivit. Il fit deux pas en arrière et répéta « Qui donc a parlé ?» Soudain, l'enfant reçut un vigoureux coup de bâton sur la tête, jeta un cri étouffé et tomba étourdi et comme foudroyé. Alors un homme, qui s'était tenu dissimulé jusque-là derrière un tronc d'arbre, s'avança son bâton à la main et se pencha sur Grincel. Grincel était évanoui. L'homme ne s'amusa point à s'assurer s'il avait tué ou non le petit Vendéen. Il ouvrit vivement la veste de l'enfant et en retira la lettre de Diane. Or l'homme qui venait d'étourdir Grincel d'un coup de bâton et qui lui avait volé la lettre que l'enfant portait sur sa poitrine, cet homme, c'était Ambroise. Le valet de chambre de feu le baron Rupert, une fois en possession de la lettre, prit le corps du petit Vendéen dans ses bras et le poussa dans une broussaille. Le coup de bâton avait entamé le cuir chevelu. Un flot de sang s'était répandu sur le visage de Grincel. « Il est mort !» pensa Ambroise. Puis il s'élança au travers des chênes rabougris et du fourré vers le trou à renards, dont il connaissait maintenant parfaitement le chemin. Ambroise avait souvent accompagné le général à la chasse. 20 fois il avait passé auprès de la petite ouverture de ce vaste souterrain qui communiquait avec le parc de Mainhardy. Seulement il s'était toujours imaginé que cette ouverture n'était qu'une excavation sans importance, un simple trou à renards. Ambroise écarta les broussailles qui en masquaient l'entrée, puis il se coucha à plat ventre, posa ses deux mains sur sa bouche et fit entendre un ouloulement exactement semblable à celui de Grincel. Une minute s'écoula et rien ne troubla le silence qui régnait autour du valet. Le trou était noir et Ambroise n'était pas homme à s'y aventurer. Les ténèbres avaient pour lui toute l'horreur de l'inconnu. Il répéta son ouloulement, puis il attendit. « Pardieu, se dit-il, si le comte n'en répond pas, c'est que probablement Grincel a l'habitude de faire la chouette 3 fois de suite. » Et pour la 3e fois, il répéta le houloulement. Aussitôt, le coup de sifflet bien connu des gens du bocage lui répondit. « Hein ?» murmura Ambroise. « La bête fauve est bougée. » Il se releva et attendit encore. Peu à peu, un bruit se fit dans le souterrain, un bruit lointain et confus d'abord, qui se rapprocha insensiblement. Ambroise reconnut bientôt que ce bruit était celui d'un pas retentissant sur le sol sonore du souterrain. Puis ce bruit cessa, et le coup de sifflet se fit entendre de nouveau. Ambroise répéta son houloulement. Les pas se firent entendre de réchef, et bientôt ils furent si distincts qu'Ambroise eut un battement de cœur. « Le voilà » pensa-t-il. En effet, une voix basse, comprimée, demanda des profondeurs du souterrain. « Est-ce toi, Grincel ?»« Non, » répondit le valet, « c'est moi, Ambroise, le valet de chambre de Madame la Baronne. »« À distance alors !» cria la voix. Puis Ambroise, qui s'était prudemment écarté, vit apparaître, hors du trou de renard, un homme qui se dressa tenant un pistolet de chaque main. « Arrière !» répéta le comte, car c'était lui. « Arrière !» Ambroise recula d'un pas. « Monsieur le comte, » dit-il, « je vous apporte une lettre de Madame la Baronne. » Le comte, qui avait une grande habitude de l'obscurité, jetait autour de lui un regard rapide et s'assurait qu'Ambroise était seul. « Ah, monsieur le comte !» dit Ambroise, « vous devez pourtant me reconnaître à la voix. »« En effet, » répondit le comte, « et tu m'apportes une lettre de Madame Diane ?»« Oui, monsieur le comte. »« Pourquoi Grincel n'est-il pas venu ?»« Parce que les Bleus l'emmènent. »« Hein ? » fit le comte. « Monsieur Hector !» reprit Ambroise en jetant son fusil à terre à deux pas devant lui. « Voici la seule arme que je possède. Donne la lettre. La voici !» répéta Ambroise. « Avance !» dit le comte. Monsieur de Mahardy, qui tenait toujours son pistolet à la hauteur du front d'Ambroise, prit la lettre. La nuit était trop sombre pour qu'il pût la lire, mais il en palpa le cachet. « C'est bien d'elle, » murmura-t-il, puis il renouvela sa question. « Pourquoi Grincel n'est-il pas venu ?»« Parce que, » répondit Ambroise, « les Bleus l'ont pris pour leur servir de guide. » « Comment cela ? » ?»« Les hussards ont quitté Belle-Ombre il y a une heure. »« Ah !» dit le comte, qui respira. « Grincel était en route et il vous apportait cette lettre. »« Bien, après, » fit le comte, toujours soupçonneux. « Les hussards ne comptaient partir que demain, mais une ordonnance est arrivée de Poitiers au grand galop et a porté un message au colonel. « À cheval, messieurs !» a commandé le colonel. Il a fait sonner le bout de selle et on est parti. Comme le colonel sortait de Belle-Ombre, il a rencontré Grincel. Le bambin était à cheval, il vous apportait cette lettre. « Où vas-tu ? » lui a demandé le colonel. « C'est monsieur le marquis, » a répondu l'enfant, « qui m'envoie à Bellefontaine chez monsieur le curé. » « Le capitaine Aubin, vous savez, monsieur le comte, le capitaine, mon ami. »« Mon ami, » interrompit Hector. Le capitaine lui a dit, « Puisque tu vas à Bellefontaine, qui est sur la route de Poitiers, tu peux bien nous servir de guide. Le ciel est sombre. »« Oh, volontiers, capitaine. » J'étais à trois pas de distance, regardant défiler l'escadron. Grincel s'est tourné vers moi. Alors je me suis approché, et comme la nuit était noire, il a pu me glisser sa lettre dans la main et ses mots à l'oreille. « Au trou du renard !» le comte, trois houloulements, et il est parti. Je me suis mis à courir à travers les bois, et me voilà. Ambroise avait raconté tout cela avec une naïveté et un air de bonne foi qui écartèrent tout soupçon de l'esprit du comte. « As-tu la mèche soufrée de Grincel ?»« Non, monsieur le comte. » Hector de Mahardy hésita un moment, mais enfin il prit un parti et dit à Ambroise « Quand madame Diane a remis cette lettre à Grincel, les hussards devaient-ils être partis ?»« Non, donc elle ne le savait pas. » « Non. Il n'y a plus un seul soldat à Belle-Ombre, pas un. » Le comte hésita encore. « Monsieur le comte, » dit Ambroise, qui en ce moment fut sublime d'audace, « si j'avais un conseil à vous donner, parle. Ce serait d'attendre à demain. » « Non, » répliqua le comte, qui crut désormais à la sincérité du valet. « Il y a trop longtemps que je ne l'ai vu. »« Cependant, monsieur le comte, non, je veux aller à Belle-Ombre, » répéta Hector avec fermeté. « Je veux l'avoir. » « Alors je le tiens. » murmura le valet, qui s'était vendu corps et âme au plus implacable ennemi du comte.